Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce qu'en dépit de tout, malgré la nuit et le brouillard, nous croyons, au fond de nous, que tant que résonneront encore les mots de nos poètes, dans cette langue chère à nos cœurs, survivra l'âme polonaise. Nous sommes réunis ce soir, nous comédiens, vous spectateurs, car en nous toujours vit l'espoir de goûter. Faites-vous ici ?